Thank you. Thank you. Thank you. To make noise with my friend in Tamas and my friend here, Lily and Pablo. Oh, oh, oh, oh. Come on, come on, come on. Oh, oh. Wanna sing tonight? C'est the end of our music repetition. Bord de rivière. la magie de Ninjam. You smell a fire. I'm not afraid to die. forget. Look, look, look. Family, friends, legacy is not our enemy, oh, because we are French. Thank you. les oiseaux, les cascades. Donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Give me, give me, give me. Tu sais, ta main, camarade, toi qui viens d'un pays. Où les âmes sont belles, où les rois sont beaux, où les hommes. Les femmes nos égales. Une nouvelle société quoi. Revolution, revolution, revolution. We follow you. Oh, Pablo, avec son tambour. Stella, splendes, utsulis, labium. Stella, splendes, libre, veinmei, serat. Souviens-toi, l'ancien temps, les pèlerins. Demain. Ne savaient à peine où ils allaient, mais avec la foi, la fioc, encore et encore, attachés au corps, avec un bâton, la foi, une étoile, un sens, une vérité absolue. La foi accrochée au... Encore et encore. Comme des pendus. Ceux qui n'avaient pas la foi se retrouvaient pendus à l'entrée des villes comme des bandits. À la langue. Questionne. Pas deux fois la même. Vendu à la langue. Trou. Truc de fou, truc de dingue, de psychopathe. Remonte des pattes jusqu'au fond. Remonte tes gâtes. Des pattes jusqu'au cerveau, comme Arthur Rimbaud à l'époque. 10. Voyage. Voyage, voyage. Wanderer. Au-dessus des ravages. Sur un tapis volant. Jadis, la langue trop pendue. La censure continue. Mais sans foi ni loi. Nous sommes des humains, des humains, des humains. Avec un ADN qu'on maîtrise pas. ADN. Se laisse porter par les flots. Peut-être ce serait pas mal. Peut-être si le gouvernement tâche. Vendredi 19. 19 septembre 2025. Thank you. respire.